Dialogue à la maison. Écoutez. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, je suis très contente. Pourquoi es-tu très contente? Je vais à Versailles dimanche avec une amie. Est-ce qu'elle est étudiante à la fac avec toi? Non, elle est secrétaire. C'est une fille très sympathique. Répétez. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, je suis très contente. Pourquoi es-tu très contente? Je vais à Versailles dimanche avec une amie. Est-ce qu'elle est étudiante à la fac avec toi? Non, elle est secrétaire. C'est une fille très sympathique.